pas de complexe, pas de soucis, pas en arrière, pas en avant, un peu perplexe, sur lui sans latex, pas de prétexte pour l'accoster, je me sens annexe. Cet état d'humeur m'en donne pour une heure, mais si la tête cherche, je vise le point sensible. Et quelle arme au cœur, recherche le franc-tireur, l'allumeur appuie le sans contrôle de ses ardeurs. Je prends ma distance et replonge en ambiance, pas de panique, le diagnostic confirme la mouvance. Tu captes le tempo, compteur à zéro, tendance disco. Here we go, here we go. Everybody, everybody, everybody.